Non. Pourquoi? Car c'est une darura, c'est un cas de force majeure. C'est sa vie qui est en jeu. Donc les savants disent qu'il lui est autorisé. Mais ils disent, Ad-darura tuqaddar biqadariha. Est-ce qu'il boit toute la bouteille? Non. Il doit boire de cet alcool la quantité qui lui permettra de survivre. D'accord? Et ne pas boire toute la bouteille. Car le surplus qu'il aura bu ne rentrera pas dans le cadre de force majeure. Hein, donc il faut toujours, lorsqu'on cite Ad-darura tubih al-mahdurat, il faut toujours citer après Ad-darura tuqaddar biqadariha. Ensuite, on avait parlé de l'azan. On était rentré dans le chapitre de l'azan. On avait dit que l'azan c'était un appel. On avait cité les preuves dans le Coran qui prouvent l'azan et que c'est une ibada, que c'est une adoration légiférée. On avait cité le hadith du prophète alayhi salam, entre autres le hadith du prophète alayhi salam lorsqu'il dit, lorsque l'heure de la prière est arrivée, que l'un d'entre vous fasse l'adhan et que le plus grand d'entre vous préside la prière. On avait dit que l'adhan était une obligation, c'était un fard kifai, une obligation qui, lorsque elle est faite, elle est accomplie par une partie des musulmans, l'obligation est enlevée des autres. Ce n'est pas dans une mosquée, il n'est pas obligatoire pour chaque personne qui rentre dans la mosquée de faire l'adhan. Non, si une personne le fait, cela enlève l'obligation sur les autres. On avait dit que l'adhan était obligatoire, que ce soit en voyage ou non. On avait aussi cité que l'adhan était légiféré uniquement pour les cinq prières, et dont Al-Jumu'ah entre. On avait aussi parlé des bienfaits de l'adhan. Tu peux me citer un hadith du Prophète qui montre les bienfaits de l'adhan? Soudainement, on en avait cité trois. Deux qui sont inscrits dans le livre et un troisième que j'avais rapporté en plus. Là. Non, un hadith du Prophète qui montre les bienfaits de l'adhan, qui montre la récompense de celui qui fait l'adhan, les mérites de l'adhan. Là. نعم الخطبة زي ما دي إن أطول الناس يوم القيامة إن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون que ceux qui auront le cou le plus long le jour du jugement seront ceux qui font la prière, ce seront eux qui seront visibles parmi toutes les personnes présentes le jour du jugement. نعم نعم si les gens connaissaient le mérite dans le premier rang de la prière et qu'ils n'avaient pas le choix que de faire Non, il y a aussi un hadith qu'on n'a pas cité la semaine dernière, un hadith du prophète Aïssa Salam qui dit lorsque si les gens savaient le bienfait qu'il y a ou le mérite de l'adhan et du premier sauf, ils feraient un tirage au sort, ils auraient recours au tirage au sort pour faire l'adhan. La seule chose qui pourrait être arbitre serait le tirage au sort. On avait aussi cité un hadith du prophète sallam que j'avais cité en plus, hadith Salman al-Farisi, où le prophète sallam a dit lorsqu'une personne est dans un terrain vague, dans un endroit isolé, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'elle fasse al-wudu, hein? Qu'elle fasse al-wudu, summa. On avait dit quoi? Le hadith sallam. Non, ça c'est un autre hadith qu'on avait cité du prophète sallam. Ça ce hadith là, hadith سلمان الفارسي كان الرجل إذا كان الرجل بأرض قيس حالة الصلاة فليتوضأ كيفاش الزبيسون فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه سيل في الإقامة خيرون دالي سي دو زونج وإن أذن وأقام سيل في الأذان في الإقامة صلى وراءه من جنود الله ما لا يرى طرفه خيرون derrière lui des soldats d'Allah, c'est-à-dire des anges qui seront tellement nombreux que leur bout ne sera pas visible. نعم il y a aussi le hadith de Sa'd al-Khudri رضي الله عنه où lorsque le prophète a dit en parlant à Abu Sa'd al-Khudri qui a parlé à un berger, lorsque tu es

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. Donc après quand le prophète عليه الصلاة والسلام a enseigné l'adhan à Bimahdoura, arrivé à Hayya al-Falah, Hayya al-Falah, le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit de dire الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم dans le premier adhan du Fajr ou du Subh, puis de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. الأمير الصنعاني qui a expliqué سبل السلام a dit dans son livre قال ابن رسلان Ibn Raslan, وهو من علماء الإسلام, c'est un des savants de l'islam qui a entre autres expliqué Sunan Abi Daoud, mais son livre n'a pas été édité, il est toujours dans le monde des manuscrits. Ibn Raslan a dit فَشَرْعِيَةُ التَّثْوِيدِ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ الْفَجْرِ. Il est légiféré de faire un tathwib uniquement dans le premier adhan du Fajr, car c'est pour réveiller celui qui dort. Quant au deuxième adhan, il est légiféré pour informer de l'entrée de l'heure et d'appeler les gens à la prière. Intaha. Il n'y a aucune version qui est comme ça, c'est pour les prières de l'heure de prière. Ça vient après, Inch'Allah. Le hadith vient après. Concernant la taswib, le fait de dire à Sartre Khair ibn al-Nam, les savants sont divergés. Les savants ont divergé. La plupart des savants sont d'accord sur le fait que à Sartre Khair ibn al-Nam se dit après Hayya, Hayya al-Falah. Car certains savants disent que à Sartre Khair ibn al-Nam se dit après l'Azan. Ils ont quelques hadiths. Mais l'avis le plus sûr, Inch'Allah, comme les cités dans le hadith d'Abi Mahdoura, dans la version d'Abi Daoud, où le hadith est très explicite, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a bien dit de dire As-salatu khairun min al-nawm après Hayya al-Falah. Et les savants sont divergés sur dans quel azan doit-on dire As-salatu khairun min al-nawm. Est-ce que c'est dans le premier azan ou est-ce que c'est dans le second? Car il y a deux azan dans le Fajr. Il y a un azan, comme on va citer le hadith d'après, qui se fait vers la fin de la nuit, avant l'heure de Subh. Il y a un deuxième azan qui se fait à l'heure de Subh. Où le Prophète Sallam a dit, lorsqu'il parlait à ses compagnons, Inna bilalan yu'adhdhinu bil-layl. Le Prophète Sallam a dit à ses compagnons que Bilal, radiallahu anhu, fait l'azan de nuit. Et il a dit dans un autre hadith, فَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَا إِبْنُ أُمِّي مَكْتُومِ. Et manger, c'est-à-dire pour celui qui a l'intention de jeûner, manger et buvez jusqu'à ce que appelle à la prière إِبْنُ أُمِّي مَكْتُومِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ إِذَا قِلَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. C'était une personne aveugle, إِبْنُ أُمِّي مَكْتُومِ رضي الله عنه, était une personne aveugle et il ne faisait l'adhan que lorsqu'on lui disait أَصْبَحْتَ. C'est-à-dire, l'aube est apparue. Autrement dit, à l'heure du Fajr. Donc, dans la sunna du Prophète, il y a deux azan. Les savants sont divergés. Lorsque le Prophète a dit, dans le premier azan de Subh, certains savants, comme Sheikh Al-Albani, rahimahullah, ont dit, c'est-à-dire dans le premier azan, celui qui est fait de nuit. Qui est l'avis de l'Amir al-Sam'ani, qui a expliqué ce Boul Salam. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit car le premier adhan, qui est fait vers la fin de la nuit, son but est de réveiller les gens. D'où le fait de dire As-salatu khairu min al-nawm. Vous suivez? Non. Et d'autres savants, la plupart des savants disent que At-Taswib, il doit être fait dans le deuxième adhan. Adhan de Subh. Pourquoi? Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen, car le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé fil oula min as-Subh, dans le premier adhan du Subh. Et il dit, quand l'adhan qui est fait à la fin de la nuit, avant Subh, on ne peut pas dire que c'est l'adhan de Subh. Et il dit, le Prophète a dit,